franceinter.com. Vaudeville ou tragédie, bagatelle ou véritable affaire d'espionnage. Difficile de se faire une idée, mais quoi qu'il en soit réellement, l'histoire que m'a contée M. X cette semaine est assurément l'une des plus extraordinaires qu'il m'ait présentée. Et pourtant, m'a-t-il dit d'emblée, il a longtemps hésité avant de choisir ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'il met en scène des gens qui vivent encore, des gens qui ont souffert, et dont il ne voulait pas raviver inutilement les blessures. C'est pour cette raison qu'il s'est refusé à me donner les noms des véritables protagonistes. Et au fond, peu importe, les masques dont il a affublé ses personnages n'enlèvent rien au caractère exceptionnel de cette histoire qui tient donc tout autant du roman d'amour que de l'affaire d'espionnage. J'ajoute que cette histoire a inspiré le cinéaste américain David Cronenberg qui en a tiré un film, Mr. Butterfly, récemment diffusé à la télévision sur une chaîne câblée. Et peut-être est-ce en voyant ce film que M. X s'est enfin décidé à ouvrir cet étonnant dossier qui recèle encore beaucoup de mystères. Les filles dans nos cœurs font des travaux d'aménagement, souvent au marteau piqueur et sans ménagement. Si vous voyez dans ma poitrine le chantier, il se peut que par déprime, comme moi vous chantiez. La lingerie fine dans l'eau de Chalimar, les baranines pour tout démolir de nos anciens braseros, effacer les souvenirs et repartir à zéro. Les filles dans nos cœurs font leurs grands travaux pour qu'on redevienne enfants de cœur, des petits nouveaux. Alors bulldozer, grosse machine pelleteuse, regardez dans ma poitrine le trou. Les baranines pour tout démolir de nos anciens braseros, effacer les souvenirs et repartir à zéro. Les filles nous font pas peur parce qu'elles sont toutes petites, mais elle nettoie dans nos cœurs à la dynamite pour ôter les anciennes douceurs de cousine qui nous avaient demandé l'heure un soir en cuisine. Des filles dans nos cœurs font des travaux d'aménagement. Souvent au marteau piqueur et sans ménagement. Si vous voyez dans ma poitrine le chantier, il se peut que par déprime, comme moi, vous chantiez. Dans la lingerie fine, dans l'eau de Chalimar, les barabines pour tout démolir de nos anciens brasés, effacer les souvenirs et repartir à zéro. Je vous l'ai déjà dit, les services de renseignement sont des monstres froids qui font fi des sentiments et qui exploitent au mieux les faiblesses humaines. Aujourd'hui encore ? Bah pourquoi pas. L'espionnage électronique, c'est vrai, a rendu ce brave James Bond plutôt obsolète. Mais à l'occasion, les services, tous les services, n'hésitent jamais à utiliser les passions des hommes. Ouais. Matahari pas morte ? Si vous voulez. Encore que vous savez ce que je pense de cette pauvre Matahari. Ouais, bon, enfin, passons. L'histoire que je veux vous raconter a commencé en Chine dans les années 60. Pierre Prudhon, jeune employé de l'ambassade de France, il a tout juste 20 ans, venait d'arriver à Pékin. C'est-à-dire peu de temps après la reconnaissance de la Chine de Mao par le général de Gaulle. C'est cela, oui. Et ce jeune Prudhon, dont ce n'est pas le vrai nom. Oui, je vous ai expliqué pourquoi. Ah, d'accord. Alors, qui est-il? D'où vient-il? C'est le fils d'une modeste famille de province. Il a fait peu d'études, mais c'est un garçon curieux, un autodidacte épris de culture. Et c'est par le plus grand des hasards qu'il a trouvé un emploi au ministère des Affaires étrangères. Ouais. Il n'est donc pas entré par la grande porte. Non, il n'est pas diplomate et il en souffrira longtemps. Mais pourquoi ? Parce qu'on lui fera souvent comprendre qu'il n'est qu'un employé, un subalterne. La caste des diplomates est un milieu assez fermé, comme vous devez le savoir. Ouais, ok, on a tendance à avoir une très haute idée de soi-même. C'est juste. Donc Prudhon est envoyé à Pékin. Et le jeune homme, malgré le mépris du personnel diplomatique à son endroit, est ravi. Séduit par la Chine. Oui, il y a tant à découvrir dans ce pays si longtemps fermé aux Occidentaux. Surtout pour un garçon aussi curieux et aussi sensible que Prudhon. J'ajoute, parce qu'il faut bien le dire, que c'est un jeune homme très inexpérimenté dans le domaine sentimental. Vous voulez dire qu'il n'a pas eu d'aventure? Oui, c'est la vérité. Ouais, soyons clairs, il est puceau. Oui, ouais, comme vous pouvez l'imaginer, son plus cher désir est d'en finir au plus tôt avec cet état. Ça se comprend, oui. Mais dans la Chine de Mao, il n'est guère possible pour un étranger occidental, un diable au long nez, comme on dit là-bas, de fréquenter de jeunes chinoises. Ouais, il reste le personnel diplomatique. C'est juste, mais c'est la Chine qui fascine Prudhon. Et dès qu'il a un moment de libre, il voyage ou il prend son vélo pour visiter Pékin. Avec l'espoir d'y faire une rencontre ? Sans doute. Un soir, il est invité à un cocktail organisé dans les salons d'une des représentations diplomatiques occidentales installées à Pékin. Quelques Chinois sont présents. Des Chinois qui sont donc autorisés par le régime à fréquenter des Occidentaux. Ouais, des Chinois triés sur le volet. Naturellement. Ouais. Et le regard de Prudhon est immédiatement attiré par un petit jeune homme très entouré et remarquablement beau. Et qui c'est celui-là ? Appelons-le Xianjuan. Ouais. C'est un nom que vous avez choisi au hasard ? Pas tout à fait. En chinois, cela veut dire gracieux ou gracieuse, comme vous voudrez. Ouais. Je ne connaissais pas de tel talent linguistique. Hein. J'ai beaucoup voyagé, je vous le rappelle. Et puis, en quoi que vous en pensiez, vous me connaissez bien mal. Oui, admettons. Le choix de ce nom semblerait indiquer que ce personnage est un peu efféminé. Sans nul doute, ce n'est pas très étonnant. Mais pour quelle raison ? Xianjuan, qui a des talents d'écrivain et surtout un artiste lyrique connu. Ah oui, un acteur de l'opéra de Pékin. Exactement. Comme vous le savez, les artistes de l'opéra sont tous des hommes. Oui, mais qui jouent aussi les rôles de femmes. Oui, ouais. Et c'est vrai qu'en regardant Xianjuan, on se dit qu'un soupçon de maquillage suffirait à lui faire un visage de très jolie femme. Attendez, Prudhon, m'avez-vous dit, est aussitôt attiré par ce Chinois. Est-ce que ce jeune homme vierge a des tendances homosexuelles ? Peut-être, même si elles sont inavouées. En tout cas, pendant longtemps, il ne se passera rien entre le Français et Xianjuan. Mais n'allons pas trop vite. Au cours de cette soirée, Prudhon se présente et les deux jeunes gens sympathisent. C'est d'autant plus facile que le Chinois parle un excellent français. Et quelques jours plus tard, Xianjuan invite son nouvel ami dans un restaurant traditionnel de Pékin. Mmh. Ce qui signifie que ce Chinois a vraiment un statut à part, hein, pour ainsi se montrer en public avec un long nez, comme vous dites. Incontestablement, Xianjuan est un personnage qui compte dans les milieux dirigeants. Vous voulez dire politiquement Non, non, lui-même ne fait pas partie du personnel politique, mais il a un oncle qui est une sorte de ministre de la culture, et ça, ça aurait dû alerter Prudhomme. Pourquoi ? Parce que ce ministère a souvent été utilisé comme couverture pour les agents des services de renseignement chinois. Ouais, mais le modeste employé d'ambassade Prudhomme ne le savait peut-être pas. Hein. C'est certain. Quoi qu'il en soit, les deux jeunes hommes vont devenir une vraie paire d'amis. Xinjuan guide Prudhomme dans les rues de Pékin, il lui en fait découvrir les beautés, les secrets inaccessibles aux Occidentaux. Il l'initie aussi au mystère du légendaire chinois. Et naturellement, il lui parle souvent de l'opéra de Pékin et de ses règles très particulières. Mais cette intimité, là, n'intrigue pas les autres membres de l'ambassade française ? Apparemment, non. Et pourtant, quand même. Vous avez raison, mais je vous le rappelle, Prudhomme occupe des fonctions subalternes. Mais, par conséquent, il n'a pas accès aux informations sensibles. Oui, ouais. Oui, oui. Et, pardonnez-moi d'y revenir, mais dans ses relations très suivies, il n'a toujours rien de sexuel ? À ce que je sache, non. Mais Prudhomme est frappé par le fait que son ami est parfois frappé de tristesse, sans raison apparente. Lui, ordinairement si volubile, il devient soudain silencieux. Exactement comme s'il était porteur d'un secret inavouable. Et Prudhomme l'interroge ? Écoutez, franchement, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais un jour, au cours d'une promenade dans la cité interdite, Xinjuan se confie. Et le Français est complètement abasourdi. Quel est l'objet de cette confidence ? Ben, le jeune Chinois lui avoue tout bonnement qu'il est en réalité une femme. Le Chinois est une Chinoise. Oui, oui, oui. Mais là, attendez, pourquoi ce travestissement alors ? Xinjuan raconte une longue histoire. Je résume. Elle est née dans une famille aristocratique très traditionnelle. Sa mère a eu peur qu'en donnant naissance à une fille, son époux ne prenne une autre femme. Oui, parce que les enfants mâles étaient mieux considérés que les filles. Hein. C'est cela. Par conséquent, la mère de Xinjuan a prétendu avoir accouché d'un garçon. Et elle a abusé son époux. Et celui-ci n'a jamais deviné la supercherie ? Non. Xinjuan a été vêtue, éduquée comme un garçon. Je veux bien vous croire, mais une fois devenue adulte, elle aurait pu vivre selon son sexe. Eh bien non. Parce qu'elle a eu la chance de chanter pour le prestigieux opéra de Pékin où traditionnellement tous les rôles étaient tenus par des hommes. Ouais. Donc elle était obligée de continuer à mentir. Voilà. Ouais. Enfin, pardonnez-moi, mais moi j'ai des doutes et Prudhomme, lui. Bah, il est bouleversé. Mais à aucun moment il ne soupçonne que Xinjuan lui ment. Et puis d'une certaine façon il est soulagé. C'est-à-dire soulagé. Parce qu'il est très attiré par Xinjuan. Et la révélation de sa féminité va pouvoir lui permettre de passer à l'acte. Ouais, sans se sentir culpabilisé. Vous avez tout compris. Ouais. Donc il se déclare. Oui. Et comment réagit la jeune femme ? Xinjuan, manifestement, éprouve peu d'intérêt pour les choses du sexe. Et elle commence par se dérober. Mais le jeune Français est de plus en plus pressant. Ouais, il est amoureux. Assurément. Ouais. Et un jour, enfin, la Chinoise consent. Ouais. Vous n'étiez pas dans l'alcôve, mais peut-on savoir comment ça se passe ? Effectivement, je n'étais pas présent. Mais Prudhomme, plus tard, s'est confié dans les conditions que je vous raconterai. Xinjuan se montre très pudique. C'est, affirme-t-elle, une tradition en Chine. Elle refuse donc de se déshabiller. Et les caresses et les rapports entre les deux amants se déroulent dans une quasi-obscurité. Vous voulez donc dire que Prudhomme ne voit pas le corps de Xinjuan ? C'est exactement cela. Mais enfin, la jeune femme lui semble experte et prend toutes les initiatives, encore une tradition chinoise. D'autant qu'elle a affaire à un homme qui n'a eu aucune expérience. Hein. Oui, ils finissent par faire l'amour. Et lorsque le jeune homme revient de la salle de bain, il aperçoit un peu de sang virginal sur les cuisses de Xinjuan. Follement ému, il la serre contre lui et c'est ainsi que commence leur éteint roman d'amour. Bye. rendez-vous avec X. Un écrivain américain, Joyce Wilder, racontait l'histoire des deux amants dans un livre intitulé « Liaison ». Manifestement très bien informé, voici sa version de l'explication que Xian Juan a donnée de son travestissement en homme et des réactions du jeune Français. Elle diffère un peu du récit de M. X. En tout cas, pour respecter la volonté de ce dernier de ne pas citer les noms des protagonistes de cette affaire, j'ai remplacé les noms et prénoms par ceux qu'il a adoptés. Avant Xian Juan, sa mère a eu deux filles, mais en Chine, les garçons sont beaucoup plus importants. Et la grand-mère paternelle de Xian Juan, qui règne sur la maison, a décrété que si sa bru ne donnait pas un fils à la famille, son mari devrait prendre une deuxième épouse. La perspective de perdre sa position terrifiait la mère de Xian Juan. Son mari n'était pas plus rassuré qu'elle aussi quand Xian Juan est né et qu'ils ont vu qu'il s'agissait d'une fille, oui, une fille. Ils ont fait un pacte avec la sage-femme. Ils se sont mis d'accord pour mentir à la grand-mère et élever l'enfant comme un garçon. Depuis, Xian Juan a vécu comme un garçon sans confier son secret à personne. Dans la Chine de Mao, où les hommes et les femmes sont censés être égaux, admettre que l'on s'est conformé aux valeurs féodales du passé serait bien trop dangereux. En livrant maintenant son secret à Pierre, c'est donc sa vie même que Xian Juan lui met entre les mains. L'histoire est incroyable, mais Pierre la croit. Il n'est même pas tellement surpris au fond. C'est comme s'il avait toujours su. « Tu es mon meilleur ami, dit-il. Je ne raconterai rien à personne. » Ce n'est que plus tard, dans le cyclopus qui le ramène chez lui, qu'il mesure la portée de ce qu'il vient d'apprendre. Sous la lune, les rues familières ont pris un aspect irréel. Tout est changé. Xian Juan n'est plus un simple ami, c'est une femme. Est-ce que, à partir de ce moment, ils vont vivre ensemble ? Il n'en est pas question. Pierre Prudhon est un long nez, je vous le rappelle. Ouais, et la Chine est communiste. Les étrangers y sont sévèrement surveillés. Alors les deux amants se voient furtivement. Ouais. Mais je répète ma question tout à l'heure. Là, à l'ambassade de France, on ne s'étonne toujours pas. Oh, certains ont bien remarqué que Prudhon a fourché un peu trop souvent son vélo pour aller découvrir la ville. Mais c'est d'ailleurs un sujet de moquerie. Les diplomates, en général, préfèrent rester entre eux. Et puis, pourquoi s'inquiéter puisque bientôt Prudhon va devoir changer de poste. Ouais. Mais il n'y a pas un homme des services secrets à l'ambassade, hein ? À l'époque, non. Le SDEC n'y a pas d'agent. Alors, vous laissez entendre que Prudhon va quitter Pékin. Oui, est affecté en Arabie Saoudite. Et c'est la mort dans l'âme qui le fait ses adieux à Xian Juan, surtout qu'au moment du départ, la petite chinoise lui révèle qu'elle est enceinte. Ouais, c'est un vrai mélo, votre histoire. Vous croyez pas si bien dire. Pierre est désespéré de devoir partir, mais il est aussi fou de joie à l'idée d'avoir un enfant de Xian Juan. Et en se séparant, les deux amants choisissent le prénom de l'enfant à venir. Et il part. Oui, mais il promet de revenir le plus tôt possible. Dès qu'il le pourra, il demandera à nouveau un poste à Pékin. Mais 4 longues années vont se passer avant qu'il n'obtienne satisfaction. Attendez, avant d'évoquer, puisqu'on va y venir, j'imagine, le retour de Prudhon à Pékin, pour l'instant, dans cette histoire, il n'a pas encore été question d'espionnage. Non, hein, non. Ça veut donc dire si, comme je l'imagine, Xian Juan a été sciemment poussé dans le lit du jeune homme, que les services secrets chinois ont investi à long terme. Et sans savoir si Prudhon reviendra un jour en Chine. Et ça vous paraît plausible ? Pourquoi pas ? La patience n'est-elle pas une vertu particulièrement chinoise ? Ouais. Et puis, dans cette histoire, à rebondissement, il ne faut jamais sous-estimer le poids des sentiments. Pensez donc que Xian Juan aimait vraiment Prudhon ? Pourquoi pas ? D'accord. Alors voyons le retour du jeune Français. Je vous l'ai dit, 4 ans ont passé et la situation a radicalement changé en Chine. Ah oui, c'est la révolution culturelle, hein ? Oui, cette explosion de violence et de folie idéologique qui va faire des millions de victimes. D'un jour à l'autre, les notables d'hier sont devenus des suspects, des traîtres. Et les gardes rouges sèment la terreur. Mao a trouvé ce moyen pour se débarrasser de ses ennemis et de ses rivaux. Et Xian Juan, la cote devient-elle dans la tourmente ? C'est une intellectuelle, une artiste, une sectatrice de cet art dégénéré qu'est l'opéra traditionnel. Elle est donc menacée. Hein. Naturellement. Mais, et c'est très important, même si elle ne jouit plus des mêmes facilités matérielles qu'autrefois, elle n'a pas encore été inquiétée. Et elle n'a pas rejoint, comme des milliers d'autres, un camp de rééducation idéologique. Ouais. Vous voulez dire qu'on la protège ? Oui, parce qu'on la prépare à jouer le rôle qui lui est dévolu. Ouais, et ça, c'est piéger Prudhon. Naturellement. Ouais. Enfin, un petit peu de patience, ouais. Si vous voulez. Attends, un peu de patience, d'accord. Ouais. Une question quand même. Vous avez dit il y a un instant que la Chinoise aimait peut-être réellement le Français. C'est vrai. Alors, Peut-on imaginer que Xian Zhuan a été forcé de jouer ce rôle et donc de piéger Poudon ? Je ne l'exclus pas. Surtout quand on prend en compte le climat extrêmement violent de l'époque. Il ne faut pas oublier que le piège a commencé à être tendu 4 ans plus tôt, bien avant la révolution culturelle. Mmh. Et à ce moment-là, Xian Zhuan, d'une façon ou d'une autre, était sans doute consentante, ce qui n'exclut pas les sentiments. Ouais. Alors comment ça va se passer ? Dès son retour, Prudhon essaie de revoir la jeune chinoise. Mais ce n'est guère facile. Les étrangers sont encore plus surveillés qu'ils ne l'étaient autrefois. D'autre part, à l'ambassade, on a demandé à tout le personnel d'être extrêmement prudent et d'éviter de fréquenter des Chinois en dehors des relations strictement diplomatiques. Oui. Est-ce qu'on craint une provocation ? Bien sûr. Mmh. En fait, lorsque Prudhon revient en Chine, quel emploi occupe-t-il à l'ambassade ? Il n'est toujours pas diplomate, mais il a monté en grade. Il est désormais archiviste. Ah, ça veut dire qu'il a peut-être accès à des documents. Hein, ça. Des documents dont certains sont confidentiels, mmh. Oui. Et il est devenu un personnage intéressant pour les services chinois. Incontestablement. Mmh. Et que fait-il pour essayer de revoir Xian Zhuan ? Xian Zhuan est son enfant. C'est une donnée essentielle dans cette histoire. Alors comment fait-il ? Eh bien d'abord, il écrit à Xian Zhuan, mais il n'obtient pas de réponse. Aussi, en freinant les consignes de son ambassadeur, il se rend à l'adresse de la jeune chinoise. Mais l'artiste lyrique a déménagé. Et il doit insister pour convaincre les voisins de lui donner sa nouvelle adresse. Ouais, parce que ses voisins se méfient. Et ils ne veulent surtout pas être vus en train de parler à un long nez. Ouais, la peur des gardes rouges. Bien sûr. Ouais. Depuis la révolution culturelle, la délation est la règle. Mais est-ce que Prudhon obtient quand même une adresse, quelque chose ? Oui, dès qu'il le peut, vêtu d'un costume Mao, il prend son vélo. Ouais. Il n'espère quand même pas qu'on va le prendre pour un Chinois, non ? Prudemment, il a attendu le soir. Il a coiffé une casquette. Mmh. Il espère faire allusion. Oui, donc, ouais. Oui. Je trouve qu'il ne manque pas de cran, hein, quand même. C'est certain. Ouais. Et il arrive à ses fins ? Oui, il parvient à voir Xian Zhuan, qui vit avec sa mère dans un minuscule appartement. Et ses retrouvailles Elles sont brèves. La jeune femme, toujours habillée en homme, est affolée. Elle est sûre qu'on a vu Prudhon entrer chez elle. Il ne doit pas rester. Mais l'aime-t-elle toujours ? Elle l'affirme. Et l'enfant ? Xian Zhuan lui dit que c'est un garçon. Et lui montre même une photo. Mais le garçon n'est pas là, enfin l'enfant. Non. Non, la jeune femme lui dit qu'il est en nourrice chez des paysans en province et vite elle le pousse vers la sortie. Ouais. Sans convenir d'une nouvelle rencontre. Xian Zhuan semble trop paniqué et le français doit s'en aller. Frustré, hein. Naturellement, car ça faisait 4 ans qu'il attendait ce moment. Enfin, j'imagine, tel que vous l'avez décrit, là, que Pierre Prudhon ne va pas renoncer pour autant. Bien entendu, plus que jamais, il est amoureux et le fait d'avoir revu Xian Zhuan. Donc vous avez raison, il va faire une nouvelle tentative. Et c'est bien ce qu'attendent ceux qui ont décidé de le piéger. Ouais, parce que. Tout est calculé. Tout. Et l'opération va être menée avec une habileté diabolique. Alors, racontez-moi ça. Quelques jours après cette première visite, Prudhon revient donc. Mais il est à peine entré dans le petit appartement que des dizaines de Chinois s'y précipitent en vociférant. Des gardes rouges, ça ? Des gardes rouges, des voisins. Ce qu'on appelle alors en Chine les masses populaires. Ouais. Les masses, oui. Et que se passe-t-il ? Le français est accusé d'être un espion. Et sous ses yeux, Xian Zhuan est emmené manu militari, tandis qu'on commence à l'interroger lui. Et vous imaginez dans quel état il se trouve. Il est aussi arrêté ? Non. Non, le metteur en scène n'a pas prévu cet épisode. Le metteur en scène... Bien sûr, parce qu'il s'agit d'une comédie. Une comédie parfaitement jouée par tous les protagonistes chinois. Mais Prudhon, lui, a l'impression de vivre une tragédie. Et il est décidé à tout faire pour sauver Xian Zhuan. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Une nouvelle fois, je me reporte au livre de Joyce Wilder, Liaison. Voici comment elle raconte la scène que M. X vient d'évoquer. On entend crier derrière la porte. Terrifié, Xian Juan ouvre. Des douzaines de personnes se précipitent à l'intérieur, vociférant, montrant Pierre du doigt. Un homme avise un réveil matin. « Une radio, crie-t-il, ce sont des espions, arrêtez-les » hurle-t-on. Prudhon et la mère de Xian Juan sont encerclés dans le salon. Xian Juan est emmené dans sa chambre. Une heure plus tard, trois hommes en uniforme arrivent. L'un d'eux parle français. « Qu'est-ce que vous faites ici ? » demande-t-il à Pierre. Celui-ci répond « Je suis un ami du peuple chinois et un grand admirateur de la Révolution. Je suis aussi un ami du camarade Xian Juan Pu, que j'ai connu lors de mon premier voyage en Chine quand je travaillais à l'ambassade de France. Il m'explique les changements qui se sont produits en Chine au cours de la grande révolution culturelle sous la conduite du président Mao. » Il continue à parler ainsi un moment sous les yeux de la foule. Prudhon a le sentiment que tout se passe bien. Puis, il se rend compte que Xian Juan a quitté la maison. « J'espère que ma visite n'a pas créé d'ennui au camarade Xian Juan, » dit-il. « Enfin, j'entends qu'on s'occupe bien de lui. » « Le peuple s'occupe toujours bien du peuple, » répond sobrement le soldat. Quel était le véritable objectif de cette comédie ? Mettre Prudhon en condition. Désormais, s'il veut sauver sa maîtresse, la mère de son enfant, il doit être très gentil avec les Chinois. Et espionner pour eux ? Attendez, on n'en est pas encore là. Ça va se passer à la chinoise, très lentement, très habilement. Ah oui, ben racontez alors. Pendant des semaines et des semaines, Prudhon essaie de revoir Xian Juan. Ouais, il se rend chez elle. Il rôde dans le quartier. Objectivement, c'est dangereux, non ? Très dangereux. Sauf qu'il ne risque rien, mais ça ne peut pas le savoir. En fait, il est surveillé en permanence par les hommes des services secrets. Et on le fait languir parce que ça fait partie du plan. Parce que ça exacerbe sa passion. Tout à fait. Et un jour, enfin, Xian Juan apparaît dans la rue. Aussitôt, il se précipite, mais la jeune femme apeurée lui fait signe de s'éloigner. C'est effectivement un vrai supplice chinois. C'est le mot, oui. 10 minutes plus tard, elle est devant lui. Et les deux amants conviennent d'un rendez-vous dans un lieu public. Ils sont chacun assis sur un banc, ils se regardent, c'est tout. Nouvelle torture. Évidemment. Mais je pense parce que ça deviendrait fastidieux. Enfin, un jour, Xian Juan téléphone à Prudhon et lui annonce une nouvelle stupéfiante. Elle a obtenu officiellement de pouvoir lui donner des leçons. Des leçons, de quoi ? Elle est chargée de lui apprendre de toutes les subtilités de la pensée du président Mao Tse-tung. C'est une plaisanterie, ça. Absolument pas. Les communistes chinois n'ont guère le sens de l'humour. En tout cas, pour le français, c'est inespéré. Deux fois par semaine, il va pouvoir la voir, lui parler. Et ça se passe où ? C'est leçon de maoïsme ? C'est la jeune femme. En tout bien tout honneur, car Prudhon a peur que des micros ne soient cachés dans l'appartement. Et pendant 2 heures, il doit écouter Xian Juan lui réciter des extraits du petit livre rouge. Ça, c'est une autre forme de supplice chinois. N'est-ce pas ? Mais au moins, Prudhon est près d'elle. Il peut lui prendre la main, la toucher, esquisser quelques caresses. C'est bien le minimum. Hein. Oui, et quand Prudhon est bien mûr, pardonnez-moi la vulgarité de cette expression, le grand jeu commence. Alors, c'est quoi le grand jeu ? 2 mois après la première leçon, Xian Juan annonce à son amant qu'elle va être remplacée par un autre professeur de maoïsme. Qui, celui-là ? Un certain Gang. Ouais, un homme des services chinois. Bien entendu, toutefois, détail important, les leçons continueront à être données chez Xian Juan. Ainsi, Prudhon pourra continuer à l'avoir. Hein. Vous avez tout compris. Et lorsque Gang, qui est un homme très courtois et qui parle un français parfait, lui laisse entendre qu'un jour, peut-être, Xian Juan sera autorisé à partir en France avec son enfant, Prudhon ne se sent plus capable de lui refuser les quelques documents que le chinois lui réclame avec le sourire. Avec le sourire. Le français va donc trahir par amour. C'est bien ça. Mmh. Et quel genre de documents communique-t-il aux Chinois ? Bon, autant qu'on puisse le savoir, Prudhon a toujours refusé de transmettre des informations préjudiciables à notre pays. Que donne-t-il ? Des documents sur la guerre du Vietnam ou encore sur l'URSS. Car il ne faut pas oublier, la Chine et l'URSS sont alors au bord de la guerre. Et Pékin est friand d'informations sur son ennemi numéro 1 avec lequel il a une frontière commune. J'ajoute, et c'est très intéressant, que Prudhon n'a pas écouté en vain les leçons de Xian Juan, puis celles de Gang. Que voulez-vous dire, là ? Eh bien, la pensée du président Mao a fini par convaincre le jeune Français. Et le voilà devenu maoïste. Oui, ça le déculpabilise. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'impression de trahir en transmettant à ses amis chinois des documents de l'ambassade. Exactement. Enfin, passons. Au début des années 70, Pierre Prudhon est appelé à quitter Pékin. Nouvelle séparation ? Oui, il part pour l'Irlande. Ouais. Et son fils, là, il n'a toujours pas vu son fils ? Non, non, non. Est-ce qu'il garde des contacts quand il va être dans sa nouvelle fonction là, avec les services chinois ? Je ne le crois pas. Que peut-il glaner en Irlande qui puisse intéresser les Chinois ? Non. Non, ceux-ci reprennent contact avec lui lorsqu'il est affecté dans une nouvelle ambassade en Mongolie extérieure, exactement. Oui, ça c'est un pays qui a des frontières avec la Chine. Ouais. Et qui, lors du conflit entre les deux grands du communisme, a épousé la cause de Moscou. Oui, donc cette fois ça intéresse sérieusement les services chinois. Au plus haut point. Malheureusement, je dis malheureusement pour les Chinois, notre ambassade à Oulan-Bator ne mérite même pas le nom d'ambassade. C'est un tout petit poste diplomatique logé dans les étages d'un hôtel et qui est fermé une grande partie de l'année parce qu'il y fait ou trop chaud ou trop froid. Ouais, par conséquent, on ne peut guère y glaner de renseignements importants. Hein. Non. Non, et même si Prudhon, qui est l'homme à tout faire de cette curieuse ambassade, a accès à la valise diplomatique, celle-ci ne contient jamais de documents explosifs. Alors, pour faire quand même plaisir à ses amis chinois, il se débrouille comme il peut. Il se débrouille, ça veut dire quoi, ça? Ben, il grappille à droite et à gauche des documents sans valeur et il les estampille secrets. Il va même jusqu'à retaper des articles de presse, toujours avec le tampon secret. Et les Chinois se contentent de ses broutilles? Apparemment, et puis n'importe comment, il n'a rien d'autre à leur offrir. Mais vous comprenez, il a toujours en tête de faire venir en France Xianzhuan et son fils. Et c'est pour cela qu'il se livre à cette activité ridicule. Donc d'après vous, son travail d'espion est sans danger pour notre pays. Tout à fait. Ouais. Et il reste longtemps en Mongolie, hein ? Non, 2 ans, je crois. Et il revient en France au début des années 80. Il n'aura plus jamais de réel contact avec les services chinois. Mmh. Et Xianzhuan, alors ? À l'occasion d'un voyage, Prudhon a réussi à faire escale à Pékin. Il a revu sa maîtresse, mais aussi son fils. Enfin. Enfin, oui. Ouais. Parce que moi, je commençais à me demander s'il existait vraiment cet enfant. Hein. Vous avez raison. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En tout cas, ça a été une immense joie pour lui. Mais je continue. Ouais. Donc, Prudhon est revenu en France et il espère bien devenir diplomate. Mais son souhait le plus ardent, c'est bien sûr de faire venir Xianzhuan et son fils à Paris. Et effectivement, ça va arriver. Donc avec l'autorisation des services chinois? C'est évident. Xianzhuan s'installe avec son fils chez Prudhon. Mais attends, pourquoi l'a-t-on laissé partir dans l'intention de reprendre éventuellement le contact avec le français? Sans doute. Autre question. En France, Xianzhuan n'est plus obligé de s'habiller en garçon. Eh bien si. Pour les Chinois de Paris, Xianzhuan doit rester le grand artiste lyrique de l'opéra de Pékin, qui sait à merveille jouer des rôles de femme. Ouais, ça veut dire qu'elle est prisonnière de son rôle. Si on veut. Mais un jour, plus d'un an après son arrivée en France, son compagnon est arrêté à Paris. Arrêté pour espionnage? Oui, c'est la DST qui arrête Prudhon. Mais comment le contre-espionnage a-t-il été alerté? Je vais y venir, parce que c'est un des grands secrets de cette histoire. Mais attendez la suite. Prudhon, arrêté, passe rapidement aux aveux. Et Xianzhuan? Elle est interpellée peu après et accusée de complicité. Prudhon a dit au policier que c'était une femme? Oui, mais, et c'est le plus extraordinaire dans cette affaire, le magistrat instructeur demande que Xianzhuan subisse un examen médical. Et la stupeur, on s'aperçoit que ce n'est nullement une femme, mais un homme. Et un homme parfaitement normal. J'ai du mal à comprendre. Comment Prudhon n'a-t-il pas pu s'apercevoir de la supercherie? Je vous l'ai dit, il avait peu d'expérience. Ouais, d'accord, mais quand même. Eh bien, d'après ce que Xianzhuan a lui-même déclaré, il usait d'un subterfuge physique et arrivait à dissimuler ses attributs masculins. D'autre part, je vous rappelle qu'il ne se déshabillait jamais complètement. Et quand Prudhon a appris la vérité? Ça a été un coup terrible pour lui, comme vous pouvez l'imaginer. Il a failli en mourir, car il aimait Xianzhuan. Et celui-ci certainement aussi, même s'il a abusé de la pire façon qui soit. Mais c'était certainement un jouet dans les mains des services chinois. Incroyable. Et j'y pense, le fils, enfin, ou le prétendu fils? Un enfant d'une province lointaine où les gens ont la particularité de ressembler à des métis. Et ce sont naturellement les services secrets chinois qui l'ont trouvé et confié à Xianzhuan. Bien sûr. Mm. L'existence de ce fils était une pièce importante dans le piège tendu à Prudhon. Quand je vous ai demandé pourquoi Prudhon avait été arrêté, vous m'avez parlé d'un secret, hein? Oui, bien ça. Oui, je crois vous avoir montré que Prudhon n'avait pas été l'espion du siècle. Alors me direz-vous, pourquoi la DST s'est-elle soudain intéressée à lui? Ah oui, c'est ce que je vous ai demandé. Dans cette affaire, Prudhon n'était que menu fretin. À travers lui, le contre-espionnage visait un autre personnage, un gros poisson. À qui, alors? Ça, je ne peux pas vous donner son nom, parce qu'il n'y a jamais eu de preuve formelle contre ce personnage. Enfin, sachez simplement que c'était un ambassadeur de France qui avait été en poste à Pékin et que depuis longtemps, on soupçonnait de travailler pour l'Est. En enquêtant sur lui, les policiers de la DST ont découvert l'existence de Pierre Prudhon et ses liens avec le service chinois. Et en l'arrêtant, on a pensé s'en servir contre l'ambassadeur? Eh, mais cet homme était d'une autre trempe et il n'a jamais flanché. Voilà, à mon avis, la vérité. Je ne peux ni confirmer ni infirmer cette dernière information. Pourtant, c'est vrai. Dans plusieurs ouvrages, on parle des soupçons qui ont pesé sur un ambassadeur de France en Chine qui aurait eu des sympathies communistes. Pierre Prudhon, ou plutôt celui que M. X a nommé ainsi, a été condamné à 6 ans de prison et son amant-amante a écopé de la même peine. Mais Xian Juan, appelons-le ainsi une dernière fois, a été libéré très rapidement pour des raisons médicales. Prudhon, lui, a été libéré après avoir passé 4 années en détention. Roger Faligo et Pascal Krop, dans leur livre « DST, police secrète » paru chez Flammarion, ont longuement évoqué l'histoire de celle qu'ils nomment la Matahari chinoise. Mais on devrait plutôt dire le Matahari. À samedi prochain, et je vous rappelle notre adresse internet franceinter.com. Vous pouvez y réécouter cette émission.